aujourd'hui le 14, bien sûr, mai 2018. Monte le volume, bien sûr, et ouvre la différence. Ouvre-toi la différence, Suzette, excuse-moi. Je te demanderais, avant le début, d'ouvrir ta différence, puis on va regarder ce qu'il y a à trier là-dedans. Mais selon moi, il n'y aura pas trop de changements. C'est clair? Non? Bon. On poursuit? D'accord. Alors, 14 mai 2018, monte le volume et la différence. C'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Fut-il amoureux? Fut-elle fidèle? On ne sait rien d'elle. On ne sait rien d'eux. Mademoiselle Émilie vivait seule en sa maison, avait été très jolie en de lointaines saisons. Les photos qui restent d'elle sont passées par les ciseaux. Elle tenait une ombrelle et c'était sur un bateau. Elle recevait peut-être à tous les 2 ou 3 mois un colis ou une lettre qui l'étonnait chaque fois, elle qui n'écrivait jamais. Fut-il amoureux? Fut-elle fidèle? On ne sait rien d'elle. On ne sait rien d'eux. Dure et frêle silhouette qui traversait les hivers, en chapeau gris à voilettes et en manteau de drap vert. Pour parler de politesse, elle disait décorum, ne manquait jamais la messe. Elle touchait l'harmonium. Mais manquait-elle à l'église, quelqu'un allait s'informer à la vieille maison grise, aux volets toujours fermés, elle qui ne manquait jamais. Fut-il amoureux? Fut-elle fidèle? On ne sait rien d'elle. On ne sait rien d'eux. Puis un dimanche en automne, l'harmonium reste muet. On se retourne, on s'étonne, on chuchote, on est distrait. Sitôt la messe finie, on fut devant sa maison. Mademoiselle Émilie est assise en son salon, vêtue comme un jour de fête, chapeau, voilette et renard, sa valise toute faite, comme on attend un départ. Elle qui ne sortait jamais. Fut-il amoureux? Fut-elle fidèle? On ne sait rien d'elle. On ne sait rien d'eux. Sa cousine Véronique hérita de son piano et des cahiers de musique avec l'album de photos. À Manon la robe blanche, à Mathilde le trousseau, c'est assez de 4 planches pour retrouver le berceau. Et prière de remettre à sa sœur qui reste loin un petit coffret de lettres caché avec grand soin, elle qui n'écrivait jamais. Fut-il amoureux? Fut-elle fidèle? On ne sait rien d'elle. On ne sait rien d'eux. Quelques jours après Pâques, avec les premiers bateaux, on le sait d'après Jean-Jacques, qui sait tout, c'est un bedeau, est passé au cimetière un grand homme assez âgé. On croyait par ses manières que c'était un étranger. Il a déposé des roses, en silence comme on prie, sur la tombe où se repose Mademoiselle Émilie. Personne ne le saura jamais. Fut-il amoureux? Fut-elle fidèle? On ne sait rien d'elle. On ne sait rien d'eux. Gilles Vigneault. Pendant que les bateaux font l'amour et la guerre avec l'eau qui les broie, pendant que les ruisseaux, dans le secret des bois, deviennent des rivières, moi, je t'aime, moi, je t'aime. Pendant que le soleil par-dessus les nuages fait mes nuits et tes jours, pendant que ces pareils poursuivent leur voyage chargés d'autant d'amour, moi. moi, moi, je t'aime. Moi, moi, je t'aime. Pendant que les grands vents imaginent des ailes au coin secret de l'air, pendant qu'un jour trop blanc au sable des déserts dessine des margelles. Moi, moi, je t'aime. Moi, moi, je t'aime. Pendant que nos châteaux en toutes nos Espagnes se font et ne sont plus, pendant que des chevaux, un cavalier perdu traverse des montagnes. Moi, moi, je t'aime. Moi, moi, je t'aime. Pendant qu'un peu de temps habite un peu d'espace en forme de deux cœurs, pendant que sous les temps la mémoire des fleurs dort sous son toit de glace. Moi, moi, je t'aime. Moi, moi, je t'aime. Bien sûr, à force de faire se rencontrer les harpies et l'eau de Barbarie, on finit par être père et mère. Oui, c'est ça, madame. C'est... Et à la longue, grand-père et grand-mère. Bon, je le sais, moi, je suis grand-père. 5 fois. Oh, je ne le dis pas pour me vanter. J'ai eu beaucoup d'aide. Mais quand on est grand-parrain, hein, il arrive que les petits-enfants nous fassent des remarques, des commentaires, nous posent des questions ahurissantes, ah, qui nous laissent bouche bée. Hein. L'été passé, mon plus jeune, Alexis, il était 4 ans, et tout à coup, il m'appelle comme ça, « Grand-papa, oh, on a cours, hein. Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit, grand-papa, quand je vais être grand comme toi, là, puis toi, tu vas être petit comme moi. Là. Faut répondre. Faut poursuivre la conversation. Faut de, hein? Pour garder la communication entre les générations. Ça demande réflexion. Mais, à réfléchir un peu... Quand je redeviendrai petit, quand je ne serai plus grand-père, j'irai tous les après-midi faire l'école buissonnière. Du samedi au samedi. J'apprendrai les oiseaux, les bêtes, les arbres, les fleurs et les fruits, et où commence et où finit un ruisseau qui chante en ma tête. Et je nommerai ma planète elle par elle. Et nid par nid, sous chaque nom, pointe discrète, quelques couleurs de l'infini. Une saison pour semer, une saison pour attendre, les automnes les plus tendres ont pris source au mois de mai. Les amours, les travaux, même le chant d'un oiseau, ton cœur, mes mots font tourner. Monde. Je cherchais pour mes enfants de quoi se faire une ronde et faire tourner le monde sans contrarier le vent. Les amours, les travaux, même le chant d'un oiseau, ton cœur, mes mots font tourner le monde. J'ai trouvé dans un berceau les seuls propos qui promettent et l'espoir de ma planète dans les rives d'un ruisseau. Les amours, les travaux, même le chant d'un oiseau, ton cœur, mes mots font tourner le monde. nous aurons fait quelquefois chanson de vos voix multiples. J'étais donc votre disciple, ma voix c'était votre voix. Les amours, les travaux, même le chant d'un oiseau. Je le fais jouer à l'occasion, mon ami Gilles. J'aime le faire entendre à mes oreilles, puisque c'est tellement doux, c'est tellement mon pays, c'est tellement ma vie, c'est tellement mon Québec. Petit Gilles, Vigneault. Là, tout le monde se demande, là, en écoutant ça, pendant que ça jouait, pendant que je récitais. Non, mais vous étiez à l'écoute, hein, quand, lorsqu'on y a bon, le poème, le petit poème de Gilles. Fut-il amoureux, fut-elle fidèle? On ne sait rien d'elle, on ne sait rien d'eux. Tante Émilie. En écoutant ses chansons, sa chanson, ses chansons au pluriel, vous faites attention, là, c'est Gilles Vigneault. Il faut parler correctement. Son nom plus rentré dans le... dans le francophone européen, restez soi-même. Donc, tabarnouche, je m'en vais vous dire, moi. Gilles Vigneault. Bon, on sait qu'il est à Natashquan, si on ne se trompe pas. Mais, on se pose tout le temps la question. Oh, attends un peu, là. Attendez un petit peu. Attends-moi, petit gars. Tu vas tomber si je ne suis pas là. Le plaisir de l'un, là, c'est de voir l'autre se casser le cou. Mais là, mon Gilles Vigneault, l'intérêt est de savoir, pendant que j'entre son nom au complet, au grand complet. Non, mais c'est pas au petit, moi, c'est au grand. Il est né, tout ça, en 1928, un an avant mon père. Mon père à moi, je ne suis pas en train de réciter un texte de Gilles. 27 octobre 1928, à Natashquan, si on le savait, au Québec, est un poète, auteur de contes et de chansons, auteur, compositeur, interprète québécois, fils de marin-pêcheur. Pour ça, il y a toujours la calotte du marin. Il étudie à Rimouski, puis à Québec. À Québec! C'est pour ça aussi que tu gilles une petite chanson sur la rue Saint-Jean. La connaissez-vous? Aimeriez-vous ça la connaître? On pourrait, si vous êtes sage. Bon oui, ça me plairait de vous faire entendre ça. C'est la 6. En descendant la rue Saint-Jean, j'ai rencontré mon père qui s'en venait sur son chemin de terre et moi sur mon ciment. Et moi sur mon ciment, levai ma main pour l'arrêter, mais il ne me vit guère. M'a doucement fait signe de me taire, moi qui voulais parler, moi qui voulais parler. Il a traversé son village, et moi ma ville en même temps, perdu ni son pas ni son âge, je n'en pourrais pas dire autant. Ayant marché 5 et 6 heures, c'était toujours la rue Saint-Jean. Les jours et les chemins ne meurent que par la fatigue des gens. Les jours et les chemins ne meurent que par la fatigue des gens. En descendant la rue Saint-Jean, j'ai rencontré mamie qui s'en venait sous un grand parapluie. Et moi j'avais beau temps, et moi j'avais beau temps. Siffler, chanter pour l'appeler, mais sans me reconnaître. Loin sous la pluie est allé disparaître, moi qui voulais l'aimer. J'avais soleil de mai, elle a traversé son village, et moi ma ville en même temps. Chacun son pas, chacun son âge, elle pourrait en dire autant. J'avais couru quelques secondes à poursuivre amour d'autrefois, mais j'avais fait mon tour du monde à regarder autour de moi. Et j'avais fait le tour du monde à regarder autour de moi. en remontant la rue Saint-Jean, j'ai rencontré mon père. Il avait fait tout autour de la terre sa ronde avec les gens, sa ronde avec les gens. Me reconnut et m'arrêtant, me dit en ces paroles: il faut avoir bonne quille et boussole pour s'en sortir à temps, pour t'en sortir à temps. Toi prends ton corps, fais ta semaine, sois pas toujours premier devant, c'est pas toujours le capitaine qui voit premier venir le vent. N'en ajoute point davantage, et disparu parmi les gens, j'ai fait depuis de longs voyages en descendant la rue Saint-Jean. Je fais depuis tous mes voyages en descendant la rue Saint-Jean. J'ai rencontré mon père. Hey, hein, en une seule pression du doigt, on s'est retrouvé sur la rue Saint-Jean avec Gilles, qui parlait de son enfance, que je vous ai relaté très brièvement tout à l'heure. Sinon, comment ça va? Quand tu dis sinon, ça coupe. Là. On va changer de sujet. On ne s'étalera pas sur Gilles. Il aimerait trop ça. Oui, un beau mois de mai, enfin. Ça brille, ça sent l'été, c'est beau, c'est chaud. Il y a du soleil chez mon voisin. Il y a du soleil chez nous aussi. Sur CKRL, c'est toujours ensoleillé. Allez voir 89.1, là, c'est tout le temps le rayon. Le rayon de soleil, c'est un cadeau du ciel dès qu'il est avec nous. Ça change tout. Qui chante ça? Ça va vite, là, hein? Vous avez pas vos... Hein? J'espère que vous avez enlevé vos pneus d'hiver. C'est fini. Il n'y en aura plus d'hiver à partir de maintenant. C'est terminé. Ça, on vient de conclure. On a signé le contrat pendant que Gilles chantait. J'ai apposé ma signature. Plus d'hiver jusqu'à Vitam Popperman. C'est terminé. Rangez vos skis, rangez vos patins à roulettes, rangez vos pneus d'hiver, vos brosses à dents de voiture, là, comment t'appelles ça? Vos essuie-pleurs. Là. Sèche tes pleurs, je t'en prie, sèche tes pleurs. Mais là, sèche, il y en aura, la neige, là, c'est du passé. C'est du très passé, c'est du, même plus au pouce carré, c'est l'histoire en chienne. Lâche-moi, tu sais, un fox terrier, lâche-moi. Là. Et puis, c'est une vieille blague d'Yvon Deschamps. Ben oui, il dit la chaîne me pogne, Veux-tu me lâcher? C'est un fox terrier. Je sais pas dans quel spectacle il dit ça, là. Hey, lui, je suis en train de surluter. Saviez-vous ça? Attendez-vous ça? La turlute des années dures. Oui, ça fait dur avec Renal Gagné tout le temps. Le but, c'est de faire dur. Si tu fais rire, c'est déjà quelque chose, mon petit champion. Regarde-toi pas, arrête de te pavaner. Le monde rit de toi, il rit de toi. Sois conscient que tu es un ridicule personnage. Sois-en conscient. Tu vas avoir déjà trouvé le trois quarts de tes troubles et de tes problèmes. Tu vas pouvoir déjà là économiser puis éviter de rencontrer des professionnels. Y en a-tu des professionnels charlatans? Pas de charlatans, mais des charlatans. Y en a-tu des charlatans? C'est juste bourré de charlatan, surtout les gens qui se disent techniciens, hein? Moi, je suis technicien en réflexion psychédélique. Après avoir été troublé par les disques et les créations de M. Frank Zappa. Alors, vous êtes ici ce soir pour me parler un peu de votre transcendance avec cet artiste multidisciplinaire qui a touché quand même toutes les gammes musicales, pas uniquement le rock and roll, le jazz, oui, le fric musique. Il en a fait de l'argent, le fric musique, l'argent, Frank Zappa, l'argent, oh, il y a de l'argent, Frank Zappa. Pourquoi est né Raoul Petit grâce à Frank Zappa? Mais là, il faut avoir des... Non, il faut avoir... s'être enraciné. Si t'as pas de racine, mon numéro 3, tu vas voir que tu vas sauter. Tu vas marcher légèrement, très légèrement. Mais quand tu peux avoir la chance, comme mon ami Gilles Vigneault, d'être bien enraciné, pas bien enraciné, bien enraciné dans le Québec, tu te promènes partout dans la francophonie et tu peux parler avec beaucoup d'aisance et avec l'oralité qui s'épanouit comme une fleur au mois de mai. Les lilas, au mois de mai, c'est des lilas. C'est délicat, les lilas, parce que moi, je suis allergique aux lilas délicats. Mon nez n'apprécie pas ce genre de parfum. Je hume, j'éternue, j'ai presque le rhume. Oui, j'ai le rhume des foins. C'est pas du foin, moi, c'est des lilas. J'ai le rhume des lilas. Oui, à Québec, la rue des lilas, c'est à côté de la rue du Val, des lilas, si vous connaissez ça. Saint-Odile, ça vient de partir de Saint-Odile. Première avenue, vous allez voir la rue des lilas. Prenez la rue des lilas. Continuez la rue des lilas. Au bout, mais pas avant le bout, parce qu'après ça, c'est la Concorde. Mais avant le bout, vous allez voir la rue Duval. Vous tournez sur Duval, au coin de Duval et des Lilas. Moi, j'habitais là, hein, quand j'étais jeune, en revenant de Port-Cartier. Quasiment intéressant, cette histoire-là. Là. Je pourrais même vous dire l'adresse, mais les gens vont aller sur... Ils vont importuner le pauvre peuple, les citoyens qui gagnent leur argent difficilement pour payer leur loyer, éduquer leurs enfants, les torcher, les faire moucher. Mouche! Moche et des lilas, mouche! Les petits. Mouche. On est moyen financier de t'acheter des papiers mouchoirs, alors envoie-nous-en, là. Le temps des sucres est terminé, mais tu as la tire au bec. Et crois-moi, je ne badigeonnerai point. Uniquement dans le mouchoir, dit-il d'un air interrogatif. Pourquoi il s'interroge là-dessus, lui? Il dit, ben, mon enfant est malade. Ah, mon Dieu, il s'en va à l'hôpital. Il s'en va à l'urgence. Un enfant est traité comme n'importe qui, là. Il va attendre aussi longtemps. Puis là, ça se tient pas en place de même, un enfant, là. Ben beau l'intéresser, là. Oh, on va regarder une revue. Tu prends la revue bourrée, mais là, bourrée, pas de faute. Mais bourrée de microbes. Toi, t'avais rien à l'origine. Là. Tu vois à l'hôpital pour ton fils. Des allergies sévères. Tu sais même pas que ça s'appelle allergie. Tu t'imagines qu'il a attrapé là, je sais pas. Hein, il côtoie des enfants qui sont tout le temps malades, qui ont des poux, des puces, des punaises, des pipes au lit. Ah, mon Dieu. Plein d'affaires de cochonneries, là. De la cochonnerie au carré. Tous les enfants, hein, on sait pas avec qui se tiennent, eux autres, là. Ton enfant est bien mis. Il est sage comme une image. Quelquefois, il rage, il pleure. Bon, mais grosso modo, c'est quelqu'un, ça va faire un citoyen normatif, non, dans la normalité, qui va travailler, qui va payer, qui va continuer à payer, puis qui va s'endetter, puis qui va faire rouler la société, puis il va engendrer d'autres enfants qui, eux, vont être des citoyens, qui vont payer, puis ils vont faire semblant d'être heureux, comme tout le monde. En fait, ils vont rentrer dans le carcan. C'est important, ça, le carcan. Dans les moules, on va t'en faire des moules d'enfants. Les moules vont devenir des adultes, après ça, ils vont vieillir, ils vont aller dans des centres de personnes âgées, après ça, on va changer leur couche, manger en purée, puis ah ouais, donc, on va épaissir leur lait, puis épaissir leur café, puis épaissir leur eau, puis épaissir leur belle-sœur. T'épaissis ta belle-sœur, là, ça c'est même pas buvable, ça. Moi, j'ai 6 belles-sœurs, là, j'ai essayé de les épaissir, là, mais ils sont déjà épaisses. Difficile d'épaissir quelqu'un qui était déjà épais. L'épaisseur va pas à l'intelligence, l'épaisseur va à la médiocrité du langage. Puis aussi, ouais, à la discussion que tu peux avoir avec ces gens-là. Tu sais, t'es pris malheureusement dans l'ascenseur, puis ça, c'est triste, là. Tu peux pas sortir, t'es coincé dans l'ascenseur. Au mois de mai, des éclairs de chaleur, là. On n'a jamais vu ça au Québec, des éclairs de chaleur au mois de mai. Là, il y en a des éclairs de chaleur. T'es pris dans l'ascenseur entre le 6 et le 7. T'as de la belle insignifiante qui se retrouve avec toi. Là, de un, ça panique. Ah, j'ai mis ça. Là, ça commence à mémérer, hein? Le mémérine aigu. Toi, tu essaies de te contenir. Tu respires par le nez. Au moins, t'as des baladeurs. T'as un baladeur. Fait que t'as la musique. On dit que la musique adoucit les mœurs. Tu t'adoucis toi-même, mais tu étais déjà très, très doux. C'était Leonard Cohen. The Future. Extrait de l'album The Future. Donc, tu écoutais The Future, l'album The Future de Leonard Cohen. Plus d'électricité. Ça bloque, mais là, quand ça bloque, ça fait... Tu sais, il y a comme un décrochage. Puis ces gens-là sont quand même assez... Ils mangent bien, puis ils sont en forme. Tu sais, mais donc, ils mangent bien, mais ils sont pas en forme. Excusez-moi, ils sont pas en forme. Donc, ils font de l'embonpoint. Quand ça fait... Ça fait plus pou-pou parce qu'on est devant des poids lourds. C'est comme à la boxe, là. Je suis allé à la boxe récemment. Je connaissais les poids lourds. Et tu sais pourquoi ils ont mis des retiens ring. Connaissez-vous ça, des retiens ring? C'est des barres un peu comme des élastiques horizontales. Pour lorsqu'ils sont poussés dans les câbles, ne tombent pas par terre. Là. C'est des teneurs de ring. Surtout des teneurs de boxeurs. Puis quand c'est des poids lourds, tu te dis heureusement qu'ils ont réfléchi à mettre quatre câbles. C'est des câbles en passant. C'est des câbles. Quatre câbles. Parce que juste zéro câble, là, il tombe sur toi, ce bonhomme-là. 270 livres d'insignifiance. Mais il est bon dans l'uppercut. Il t'uppercut toi-même. Tu dors. T'as payé ton billet 220$. Tu te rappelles plus de ce qui s'est passé. Tu pars en ambulance. Ils te font payer l'ambulance parce que t'es pas un chômeur. T'es un travailleur. Tu vas voir ça pour te distraire. Hein, parce que là, t'es sur le gros nerf. Ton employeur t'a pas donné une augmentation de salaire quand tout le monde en a eu. Tu dis, voyons donc, je suis un incompétent. Qu'est-ce qui va m'arriver? Puis là, tu t'en vas à la boxe pour te reposer un peu, là, pour sortir le vilain en toi. Puis là, ils ont oublié de mettre des corps, puis il y a le 260 livres qui arrive sur toi. Hein? Oui, allô? Oui? Oui? Oui? On arrive. Ah, mon, il est dans quelles conditions? Le boxeur pesait comme 276. C'est pas sérieux. Est-ce qu'il est reconnaissable, mon mari? C'est un bon bonhomme. Moi, il voulait m'amener à la boxe. Moi, j'aime pas ça, la violence. Mais il dit, ouais, c'est pas comme la lutte, là, c'est pas arrangé. Mais c'est ça qui me fait peur, moi, quand c'est pas arrangé. Ouais, à quel hôpital? Ah, mon Dieu, ça, c'est un... c'est un jardin zoologique où vous placez des malades puis des insignes. Ah, non, faut que j'ai là. Vous pouvez pas le transférer? Ouais, j'aimerais, mais... Il est intransférable. Il peut pas se... Ah, vous pouvez le téléporter? Ça existe... Mais voyons donc, vous, on est à quelle année? Ah, je suis un début de... Ouais, je suis au début, moi, là. Juste au début, mais il paraît que quand on lève les pieds, on lève vite là-dedans. Moi, c'est trip. Ouais. C'est sérénal. Attendez. Ils m'ont dit, vous faites trois sortes d'Alzheimer. Alzheimer cérébral. Non, c'est trois sortes de... Ah non, c'est vrai. Je fais partie de la... Ah, mon Dieu. Je commence déjà à vaciller. Voici vous-même, Madame Thibodeau, voyons donc, dites pas ça au monde, là, non? C'est quoi dans ces incohérences rénales? Diane, ça doit être ça. Ouais. OK. On serait mieux sur la plage. Nu sur la plage. Êtes-vous cochon? Vous êtes un cochon, descendant moineau? Ça va mal aller en 2018. Ces animaux-là vont tout perdre, là, hein? Moi, je suis vierge, descendant Verseau. Puis le Verseau vous dit, mon cher monsieur, de vous rééduquer. D'apprendre les bonnes manières. Mon Maris, là, oui, il était au deuxième banc, puis il s'est fait tirer par un cinglé, un boxeur, parce qu'il y a des techniciens qui ont oublié de placer des câbles. Quand 260 livres d'insignifiance arrivent sur toi, même si tu as payé 220$, ta chaise, elle pète, elle brise. Elle n'existe plus. Elle est pulvérisée, monsieur. Monsieur ou madame. Êtes-vous madame ou monsieur? Vous savez même pas, hein? Vous êtes ambiguex, ambisexe. Oh, vous êtes ambisexe, comme la majorité, ambisexe. On sait même plus. On est ici, on est quoi, on est bon, on va où? Tu t'en vas où, toi, dans la vie? À part d'appeler le monde et dire qu'il est à l'hôpital de l'asile psychénaire, mais pas l'asile, mais du jardin zoologique, là. Pouvez-vous me le transférer? Moi, il me reste 2$ et 5$. Aurait-il la possibilité qu'un taxi le prenne? Ouais. Six taxis, parce qu'il est en moyen. Donc, il a écrasé. Ah, mon Dieu. C'est-tu juteux? Moi, j'avais demandé. Parce que lui, faut que je vous raconte pourquoi vous l'avez trouvé dans une condition aussi déplorable. C'est à peu près 5-6 heures de combat, ces matchs de boxe-là, hein? Ça commençait à 19h, ça finit à 00h35. Puis lui, ben, il prend un petit verre d'eau, puis il en urine 66-67. J'ai conseillé de mettre des couches. Il a mis 3 paires de couches. Il dit, va commencer par le primer. Tranquillement, le primer. Première couche, je vais prendre du bleu foncé. Deuxième couche, du rose pâle. Puis troisième couche, du bleu. Quand même, faut pas avoir de... Hein? Non, faut pas créer la zizanie. Puis au-dessus, sur la zizanie, moi, je vais mettre 2 paires de bas. Fait que quand ça va commencer à... Ça va déjà humecter par les bas. Non, il était le même. Peut-on parler de lui au présent? Au pluriel? Mon Dieu, vous l'avez divisé. Je suis prêt déjà avec un mari. Moi, j'ai juste un 60 pouces. Le lit, 60 pouces, pas lui. Lui, il mesurait pas ça. Il fait même pas 6 pouces. Mais 60 pouces. Hein? Ah, il a fait 5 enfants, cet homme-là. Ah, mon Dieu, des belles grandes filles. Ah, il y en a une, mais vous êtes pressé. Bon, vous êtes comme le poulet. Il est mourant, excusez-moi. Poulet pressé, c'est une blague. L'humour va nous sauver, monsieur. Vous trouvez pas? Dans mon cas, c'est inconcevable. Non, c'est un compte au court. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avoir devant, sous mes bras, sous mon œil surtout? OK. Bon. Alors, on dit que c'est impossible. Ben, je peux pas me rendre là, moi, là. Voyons donc. Pouvez-vous venir me chercher en ambulance? Ça pourrait être intéressant. OK. Ouais. Là, j'étais en train de vérifier le numéro de téléphone pour vous dire de me rappeler. Moi, j'ai changé de cellulaire parce qu'il est tombé dessus, lui, à un moment donné. Tu sais, mais non, mais c'est un bonhomme. C'est un très, très bonhomme. C'est un homme merveilleux. Mais quand il tombe sur la tequila, il tombe pas juste sur la tequila, il tombe partout. Mais moi, je me suis procuré, moi, pour mes enfants, mes petits-enfants à venir, un cellulaire, tu sais, pour aller sur Flashbook. Il est book. Ouais. Puis là, ben écoutez, il est tombé dessus. Puis là, ben il fonctionne plus. Puis il n'y a plus sa garantie. Mais j'ai encore un an et demi à payer. Ça n'a pas de bon sens. Mais là, pouvez-vous me l'envoyer? S'il vous plaît, à l'hôpital Frank Zappa. Watch a movie from Hollywood. I ate a hot dog, it tastes real good. Then I watch a movie from Hollywood. The peasants in this area call Frenchie, a very large poodle dog, has just been seen approaching the airport. Bullets can't stop it, rockets can't stop it, there's no way we can let it go through customs tonight. Can't wait to hear a thing, can't wait to hear a thing, can't wait to hear a thing. Aujourd'hui, le lundi 14 mai 2018, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon amie Julia Sarr. Julia Sarr est une choriste, chanteuse, compositrice, interprète, fille tout azimut. Elle a travaillé comme choriste avec les plus grands, dont la dernière tournée de Francis Cabrel. Nous la retrouvons aujourd'hui entre nous et nous entendrons à partir de maintenant uniquement l'œuvre de la chanteuse et non pas de la choriste. Alors je vous présente mon ami, je l'espère. Et vous allez entendre un petit passage super touchant. Super touchant. Je prends même l'accent super touchant. Restez des nôtres. Amusez-vous. Place à mon ami Julia Sarr. Bandera embaçada. sunne won anda bu melon deug ko lelon yalla ko bur yalla xareji. Hello. Julia, ah, t'es à côté? J'étais juste à côté. Je suis allée acheter des petits trucs pour les petites nièces. Des souvenirs? Ouais, des petits trucs comme ça. Ah oui, ok, parce que t'es de passage ou... Pas du tout, mais c'est que je vais les voir demain. Oh, c'est des petits cadeaux pour des petits présents. Comment ça va, Julia? Ça va bien. Tu viens tout juste d'arriver? Non. Ok. J'étais là, en fait, un peu plus bas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'arrives de voyage. Oui, j'étais en Afrique. Qu'est-ce que t'écoutes comme musée? Là, j'écoute un répondeur. Ah, ok. Ça, c'est moins. Ben, pour toi, c'est important, là, mais. Ouais. En Afrique, pourquoi? Pour des questions professionnelles? Non, pour familiales. Ok. Parce que j'ai perdu ma mère et. Ah, oh, mais sympathique. Je devais aller. Merci. Je devais aller ranger ses affaires. Oh, ouais. Mm. C'est un moment difficile. Oui, c'est un moment quand même. C'est une maman. C'est ma maman. Et tu le savais un peu d'avance ou. Non, en fait, elle est décédée le 6 avril. Ok. J'étais là-bas. Okay. Et donc on l'a enterré, tout ça, mais là je suis repartie pour ranger ses affaires. Ses effets personnels. Voilà, il y avait beaucoup de choses à ranger. Ah oui. Presque 28 jours non-stop. Oh, et mon dos. Elle ramassait. Hein? Elle ramassait beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est courant dans votre. Non, c'est elle particulièrement. Ah oui? Oh, ok. Elle avait les moyens d'acheter pas mal de choses, elle a beaucoup voyagé donc. Ah, c'est bien. Donc elle a bien vécu, on peut dire qu'elle a bien vécu. Elle a bien vécu. Ok. Oui, mais quand même. Oui, ben oui, c'est. Écoute. Donc j'ai dû faire des sacs pour donner à la famille, tout le monde partager toutes ses affaires. Ah ouais, ouais. Et je suis sa seule fille, donc les garçons, ils n'allaient pas faire. Pourquoi? C'est encore la vieille hiérarchie. Non, mais c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas le faire. Ah oui. Il faut quand même trier, choisir. Ah oui, je comprends. Ok, ok, ok. Ouais. Quand même, c'est... Surtout quand c'est des bijoux, des trucs comme ça. Il y avait des bijoux, j'ai fait peser tout son or. Il y avait de l'argent, de l'argent. As-tu gardé quelque chose d'elle? Oui, j'ai gardé quelque chose, mais j'aime pas avoir beaucoup d'affaires. Non, ok. Donc, toi, tu veux partir avec un sac à dos. Voilà, je veux finir ma vie avec ce que j'ai sur moi. C'est ça. Ouais. Très peu de choses. C'est ça la liberté. Ouais. La liberté, c'est pas d'avoir une maison, la liberté, c'est d'avoir c'est le moins pas possible. Pas accumuler, mais accumuler de la sagesse peut-être. Ouais, ah ben pas oui. Des objets. Oui, oui. Ouais. Et surtout de l'humanisme à travers les autres, parce que tu fais de la musique. Donc, voilà. T'es dans... C'est vrai, j'ai une autre façon de stocker des choses. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Ce qui m'a amené. Jean? Bonjour. Ah, je vais prendre Monaco. Ouais, ah, mais moi aussi, s'il vous plaît. Ouais, Monaco. Merci. Et en fait, ce qui m'a amené, je pense que c'est la musique qui m'a attirée. Moi, je ne suis pas allée vers elle, c'est elle qui est venue vers moi. Comment ça? C'est familial? Tu commences à enregistrer? Ben oui. D'accord. Familial, non. OK. Ah si, en même temps. Parce que mon grand-père était organiste, mon oncle était organiste dans une église, voilà, baptiste. Les influences partent de là. Ouais, mais je ne pensais pas que ça venait de là, mais je me suis réalisé que si. Quand même. Et qu'est-ce qu'on écoutait chez vous comme chanson? Beaucoup des chants d'église protestants. Oh, ok. Ouais, un peu classique protestant. Ouais. Et qu'est-ce qui te reste de ça? Bah, ce qui me reste, c'est la foi. Et la musique un peu moins? Si, bien sûr, parce que du coup, ça m'a élargi, moi, ma culture musicale. Pas seulement folklore traditionnel, mais tout ce qui peut être liturgique, tout ce qui peut être jazz aussi après. Le jazz est quand même important. Très. C'est-tu le jazz standard avant d'aller creuser dans d'autres formes de jazz plus contemporaines? Est-ce que le standard te plaît beaucoup? Oui, ben j'ai commencé par ça. J'ai commencé par apprendre les standards de jazz. Je ne savais pas que j'aimais ça et que c'était vraiment quelque chose qui m'allait bien. C'était facile pour moi de chanter, d'apprendre des standards et de jouer avec des trios, de jouer avec... voilà. Et puis en fait, après, le jazz contemporain m'a un peu plus intéressée, mais c'est plus intello pour moi. Okay. Ouais. C'est moins le jazz chantable, facile. Mais voilà, du coup, après l'instrumental, forcément, toutes les musiques, tant qu'elles sont vraies, sincères, authentiques, bien jouées, ça m'attire. Et ton instrument premier, c'est ta voix? C'est ma voix. C'est ton premier instrument? Ouais, et par la suite, tu as voulu t'approprier quel autre instrument? Le piano. Voilà, donc parce que ça me sert quand même à vocaliser, ça me sert à faire pas mal de... à comprendre un peu les intervalles, à comprendre l'improvisation. Donc l'instrument, c'est quand même important. Mm-hmm. Mais donc je joue du piano. Mais as-tu des instruments moins lourds lorsque tu pars en tournée? La sansa. Ah oui, c'est bon ça comme... Ouais, ça j'ai ça aussi, j'ai une petite sansa. Ouais. Donc c'est les deux instruments que tu utilises... Ouais. Mais la sansa, on appelle ça le piano à pouce. Oui, oui. Ouais. On a parlé aujourd'hui avec qui, non? Ah, c'est il y a une jeune fille, une comédienne qui fait de, des pièces de théâtre pour enfants, ils utilisent ça. Oui. Voilà. Piano à pouce, exactement, c'est ce qu'elle a dit. Piano à pouce. Et comment ça, c'est, est-ce que des professeurs de piano à pouce ou c'est... Non, on apprend, en fait, c'est vraiment gauche-droite. N'importe qui peut en jouer? Bah oui, je pense. OK. Ouais, il faut quand même avoir un peu de rythme. Oui, sinon ça peut Parce que c'est intéressant quand c'est rythmé. Oui, OK. Quand c'est rythmé et que c'est bien récurrent et que ça tourne, quoi. Oui. Et le jazz, c'est ce qui te reste encore aujourd'hui ou si tu veux toucher à d'autres... J'ai appris des choses de classique. J'aime beaucoup la musique classique. Même la musique... j'ai découvert la musique française. Donc Ravel, voilà. En venant ici ou avant? En venant ici. Avant, j'étais plus dans la variété. C'est-à-dire? Bah, tout ce qui est chanté, tout ce qui passe à la radio, okay. Tout ce qui est radiophonique. Morane, des chansons de Morane, de tout oui, comme ça. Oui. Et ça, tu as abandonné ça un peu? Est-ce que j'ai abandonné? Non. Ouais. Parce que encore toutes ces influences-là. Oui. Bah, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une tournée avec Francis Cabrel. Ouais. Pendant un an et demi. Alors, tu es venu au Québec? Oui, voilà. Ouais. J'étais là-bas. Avec son vin? Oui, on a joué là-bas. Il apporte son vin? Oui, il apporte son vin, le bois rond. Oui. Oui. Non, mais c'était une très, très belle expérience. Est-ce que tu travailles beaucoup avec des artistes? Oui. Oui, je fais ça, beaucoup de variétés. Parce que ça te permet de travailler, de faire de l'argent? Ça me permet de rester dans la musique. Parce que sinon, je peux faire ma musique, mais je n'ai pas des concerts toute l'année. Donc, alors toi, tu es chorale. Choriste. Choriste, oui. Mm. Et êtes-vous plusieurs? Exemple, si vous travaillez avec Cabrel, vous êtes combien? Oui, ben avec Francis, on était trois choristes. Est-ce que c'est les mêmes ou s'ils changent à chaque fois? Ah, ben là, c'était une équipe spéciale. Okay. Mais il a eu des choristes il y a 10 ans à peu près, deux sœurs. Qui s'appelaient les sœurs Hervé, okay. Qui sont des super chanteuses. Et donc là, c'était trois filles qu'on était. Il a monté une équipe comme ça, une section. Non, on était même quatre parce qu'on avait une qui était là pour remplacer. Ah, ben c'est OK. Voilà. Donc non, c'est pas toujours les mêmes, mais... Mais écoutais-tu du Cabrel avant de chanter du Cabrel? Oui. OK. Ouais. Donc ça t'a flatté quand... Ah ben plus que flatté, ça m'a honoré. Et je veux dire, comment ça se passe pour que quelqu'un d'aussi prestigieux appelle chez toi? Ben c'est pas lui, là, mais c'est son agent. Ben déjà, non, c'est même pas son agent, c'est une des chanteuses qui était là dans l'équipe qui m'avait contacté pour enregistrer l'album. Et une fois qu'on a son album In Extremis, le dernier. Et en fait, quand on a été au studio, il a eu l'idée de nous prendre pour la scène. Quoi. Voilà. Et vous étiez disponible? On s'est rendu disponible. Ben oui, ça c'est plus facile. Hein. Les autres contrats, on va les lever puis on va... En tout cas, lui, on ne dit pas non. Hein. Non, pourquoi? C'est un gars généreux? Ou... C'est un gars exceptionnel. Vraiment. Je ne sais pas parce que... Mais c'est quelqu'un d'exceptionnel. Humainement, artistiquement... Il a vraiment une façon d'aborder la musique et les gens qui est vraiment très précieuse. Il n'y a pas la grosse tête en eux. Pas du tout. Ouais. Non. C'est ce qui est encourageant pour toi? Ça m'encourage parce que si à ce niveau on n'a pas la grosse tête, je ne vois pas qui peut l'avoir. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Puis avec quel autre groupe ou chanteur tu t'es juxtaposé au chanteur? Ben, Youssou N'Dour. Okay. Ah, je travaille avec Youssou N'Dour. En quelle année ça? Pas mal de fois sur différents projets. Il est plus silencieux hein, depuis 2-3 ans. Ah, pas du tout. Il est tout le temps sur la route. Il fait plein de concerts. Ah oui, mais je veux dire, les albums, on n'entend même pas. Oui, peut-être, mais au Sénégal, là, il vient de sortir un nouveau disque. OK. Voilà, qui s'appelle Sénégal Rec. Ouais. Non, mais quand on n'entend pas, quand on ne voit pas les artistes, ça veut dire qu'ils sont sur scène. Ouais. Ils n'ont pas besoin de faire de la promo. Non. Surtout lui, il n'a pas besoin de la promo. Non. Et lui aussi, c'est un grand humaniste. Hein. Immense. Ouais. Ouais. J'ai beaucoup de chance d'avoir, de rencontrer, de côtoyer, d'apprendre la musique, de continuer avec des personnes comme ça. Qui t'enrichissent. Énormément. Et tu apprends beaucoup à travers cette variété française-là ou cette musique africaine-là? J'apprends avec tout, parce que dans les deux cas, par exemple, là, j'ai enregistré quelques titres pour l'album de Salif Keita. Oui. Là, il y a moins d'un mois. C'était avant fin mai. Et déjà, c'est pas ma langue. Donc déjà, là, je peux te dire que je suis... T'as ramé? Pas ramé, mais heureusement qu'il y avait l'autre choriste qui, elle, a des facilités déjà pour cette langue et tout ça. Elle t'a décortiqué tout ça. Oui, elle a décortiqué, elle était présente. Et comme quoi, on est toujours en train d'apprendre. Oui. Il n'y a pas une fois où on peut dire que c'est bon, on sait tout faire. Ah non, on peut pas s'installer sur ses assises et déjà. Pas du tout. Et c'est ça qui est bien. Mais qu'est-ce qui t'a amené à suivre des artistes comme ça? C'est encore le bouche à oreille, c'est la jeune fille. Là, c'est le bouche à oreille. OK. Mais au début, de tous les débuts, là, quand t'as commencé à faire la choriste pour. Pareil, c'est le bouche à oreille. J'ai travaillé très tôt avec Michel Fugain, par exemple. Et une fois qu'on est. Je sais pas, les gens nous ont vus avec un artiste comme ça, à l'Olympia, pendant 5 semaines. Ils disent, ah tiens, peut-être pour autre chose. Et ça donne des idées à chacun de nous utiliser, entre guillemets. Mais est-ce que voir Michel Fugain à 60 piges, avoir autant d'énergie, ça te dit, ouais, voyons, il y a quelque chose, là? Ben, Michel Fugain, lui, on dirait qu'il n'a jamais vieilli, quoi. Non, il y a 20 ans. Oui. Mais il est toujours pareil. Toujours pareil. Pas speed, mais il est très vif. Oui. Et présent à son monde contemporain. Puis il connaît la musique. Il connaît, ouais. Écoute, c'est... C'est un homme de scène. Oui, c'est ça. C'est un homme de scène. Do bu di ari ari ari, do bu di ari ari ari. Jalima, jalima, jalima, jalima. Do mu araba ye renjuli, do mu araba ye. Sunday a lady, what are the way of the yardy? What do we add? Do we add? No, who we add? Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Thank you. Et quand tu regardes ces gens-là, es-tu admirative ou si tu prends des trucs ou tu regardes un peu comment... Je suis toujours admirative quand même. Ouais, ouais. Parce que là, tu fais des grandes salles, tu fais des... Oui, mais ça, je commence à être habituée quand même depuis le temps. Mais on n'est jamais blasé. On ne se dit pas bof, bof. Pour moi, c'est un cadeau à chaque fois. On sort de scène, on se dit waouh. Et le lendemain, on repart encore 12 000 personnes, 20 000 personnes ou même plus des fois. Et à chaque fois, on se dit waouh, parce que c'est une chance. C'est presque pas ordinaire tout ça. Non, c'est surnaturel. Ouais, c'est surnaturel. Mais c'est épuisant, c'est un travail épuisant. Oui, quand même. Quand même, une tournée, c'est pas n'importe quoi, là. Merci. Merci. Surtout avec Cabrel, tu fais pas juste une soirée, là, tu fais des... Oui, c'est des concerts et des concerts, mais en fait, ce qu'il faut, c'est savoir se reposer entre chaque... Voilà, savoir et de ne pas faire la fête, quand même. Ouais, de rester, après le concert, d'aller se reposer, de se recentrer un peu, parce qu'il faut donner de l'énergie à chaque concert. Ben oui, ouais. On peut pas tout donner et puis après être fatigué, quoi. Mais il y a un mécanisme aussi, là. Il y a une façon de faire. Oui. En tout cas, il faut savoir s'économiser comme il faut savoir donner. Il faut savoir vraiment être... Tu ralentis en dehors de la scène et tu donnes sur la scène. Voilà, sur la scène, on donne tout et après, on essaie de récupérer. Comme les sportifs, Oui. De haut Alors, niveau. Oui, c'est ça que j'attendais à la note. Oui. Alors, c'est similaire à ça. C'est-à-dire que tu te donnes beaucoup, eux aussi, mais tu dois aussi te calmer pour pouvoir redonner ensuite. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment être intelligent, en fait, sur scène. C'est pour ça qu'on ne peut pas... Il n'y a pas de cliché des artistes qui se droguent, qui boivent, qui sont défoncés et tout ça, non. Pour tenir 130 concerts, il faut vraiment être quelqu'un de bonne santé. Voilà, il faut une bonne forme, sinon on tombe vite malade. Ah oui, tu arrêtes rapidement. Oui, voilà, sinon on ne dure pas. Est-ce que tu travailles sur ton propre matériel? Ben oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai emmené mon CD. Ah, c'est vrai. J'ai emmené mon CD. Et comment ça a vu le jour, ce premier CD-là? Eh bien, ça, c'est mon deuxième. OK. Mais c'est le premier que j'ai autoproduit. OK. Voilà, j'ai travaillé là-dessus assez longtemps, pendant 5 ans. OK. Et j'ai rencontré 5 pianistes et je leur ai demandé chacun de faire 2 titres. Et je leur ai juste donné la mélodie et eux, ils ont fait toute la musique. Et voilà, ils ont fait l'arrangement. Et j'ai travaillé aussi avec, qui est dessus d'ailleurs, Fred Soul, qui est un des musiciens, un des pianistes, qui lui aussi vient de sortir son album. Mais c'est pas un jazzman, lui? Oui, un peu, jazzman. Oui. Bah, je te donne son CD. Hey, merci. Ouais. Mais... Ça, c'est un promo et ça, c'est le mien. OK, mais ça, c'est le vrai, là. Mais c'est un promo. Mais ça, c'est beaucoup de travail, là. C'est quoi le deuxième opus, mais quand même, il y a... Il y a quoi? Il y a 5-6 ans de travail là-dedans? 5-6 ans de travail. En fait, les chansons, elles étaient là. Mais après, la musique, c'est pas le problème. C'est comment la vendre, comment la présenter au monde. Donc, il fallait trouver un attaché de presse, un distributeur, un tourneur pour les concerts et quelqu'un qui fait de la promo vraiment et qui accompagne le CD. Et c'est ça qui a été le plus long. Après, avant ça, il y avait le graphiste, écrire tous les crédits, trouver la photo... voilà, il y a un travail. Les gens, ils n'imaginent pas le boulot. Ah ouais. Et après, ils veulent pas acheter le CD parce qu'ils préfèrent acheter une bière, mettre 5 euros dans une bière que de payer même 10 euros un CD, quoi. Qui est beaucoup plus solide quand même qu'une bière, on va dire. Oui, effectivement. Puis en plus, tu le gardes. Tu le gardes. Et puis c'est une œuvre de toute une vie. Qu'est-ce que tu as voulu dire par la pochette? Rien du tout. OK. C'est-à-dire que j'ai fait cette... C'est toi, ça? Oui, c'est moi. Okay. J'aime bien les guirlandes. OK. Parce que mais pour moi, c'est. Oui. C'est comme un arbre de Noël avec. Oui, c'est aussi. Pour moi, c'est. Je sais pas. Pour moi, c'est chaleureux, les guirlandes dans une maison. Le soir, on allume des guirlandes, même si c'est pas Noël. Hein. Mais t'as pas gardé ton vrai nom? Si, Julia Sarr, au-dessus. Ah oui, OK, je la voyais pas. OK, oui. Daralou Douliao, c'est le titre de l'album. Ah oui, OK, non, c'est parce que je voyais pas. OK. Ouais. Et ton travail de chanteuse et créatrice, parce que c'est toi qui écris les paroles. J'ai écrit, oui. Il y a aussi quelqu'un qui a composé avec moi et qui a écrit surtout Alioune Ouad. C'est la chanson que tu... Oui, c'est un des chanteurs, ce musicien qui a écrit avec moi. OK. Mais sinon, oui, j'écris. Je tiens beaucoup à écrire parce que ça, je ne pourrais pas le chanter si c'est trop la vie de quelqu'un d'autre. OK. Il faut que ça me concerne. Et qu'est-ce que tu veux dire, toi? Qu'est-ce que je veux dire? Ben, je veux croire en la vie. Que je crois que quand même, on n'est pas là comme des atomes ou des robots. Et qu'on a des sentiments, on a des émotions, on a des histoires. Et tout ça, ça se partage. Et je trouve qu'il faut partager l'espoir, partager la vie qu'on a sur cette terre, la chance qu'on a d'être vivant. Et l'unicité aussi, t'es là, profite-en. Parce voilà, que... t'es là et t'as envie de dire aux autres courage, pour ceux qui ont du mal, de dire, de donner de la force quand on peut, quand on en a. Est-ce que je me trompe, mais le deuxième album, il n'y a pas beaucoup de chansons, aucune chanson en français? Il n'y a jamais de chanson en français. Pourquoi? Bah parce que pour l'instant, je trouve que c'est important de fixer l'identité, que les gens se disent « Ah, elle est africaine ». Parce que j'habite ici, je parle en français, je parle l'anglais, je parle l'italien, l'espagnol, le wolof, je parle plein de langues. Mais pour moi, c'est un choix presque militant de garder ma langue dans ma musique. Okay. On verra jusqu'à quand. Peut-être le prochain, je mélangerai un peu avec de l'anglais, je sais pas. Mais l'intérêt aussi, c'est de montrer tes racines, c'est ce que tu dis depuis tantôt. Très important. Parce que justement, quand on est précisément en Afrique? De Sénégal, Sénégal, okay. Ouais, ma mère est de la Gambie, okay. Qui est anglophone, qui est une enclave dans le Sénégal. Ouais. Et donc, ouais. Ben pour moi, c'est important de garder la langue africaine. Alors, ce qui te reste de ton côté sénégalais, c'est les mots. Les mots. La musicalité que tu voulais apporter à ce deuxième album, contrairement au premier, c'est quoi? C'est de le mettre au bout du jour ou au contraire de développer ton style personnel? Alors déjà, développer mon style, parce que je me dis que j'ai le droit de faire de la musique africaine, mais avec du piano, pas forcément avec la kora et de rester dans les clichés. Et pour moi, oui, ce qui reste africain là, c'est la langue. Il y a quelques rythmes quand même qui sont très sénégalais, comme le mbalakh. Mais sinon, globalement, j'ai envie de développer un style, de rentrer dans quelque chose de personnel. Après, je dis souvent qu'on invente, on n'a pas inventé la musique. Ouais, ouais, ouais. On invente la sienne, quoi. C'est tout. Mais le travail avec les autres, lorsque tu as fait ton deuxième album, as-tu été chercher des musiciens que tu voulais revoir? Et... je voulais travailler avec 5 pianistes. Okay. Donc il y a Boyan Zed qui est, je crois, qui est serbe. Il y a Fred Soul qui est français. Il y a Mario Canonge qui est martiniquais. Il y a Samuli Mikkonen qui est finlandais. Et il y a Jean-Philippe Riquel qui est français. Oui, Riquel, oui. Voilà. Donc en fait, au départ, je voulais vraiment les continents, les 5 continents. Bon, j'ai pas eu tous les continents. Mais ce qui est génial, c'est déjà un beau paysage. Quand voilà, même. C'est ça. C'est des gens qui ont des approches du piano et des façons de jouer, qui ont des couleurs du pianistique qui sont très différentes. Voilà, donc pour moi, c'était intéressant d'aller vers eux et de leur dire est-ce que vous voulez bien? Oui, je fais un petit projet. Est-ce venez, que vous voulez... ouais, voilà. Mais... et ils ont suivi, ils ont joué le jeu. L'album, est-ce que chaque chanson a sa facture ou l'ensemble de l'album prend une couleur? Je pense que l'ensemble a sa couleur, parce que le piano, c'est le dénominateur de chaque chanson. Même si c'est des pianistes différents, ça reste très homogène. Mais par exemple, il y a un morceau a cappella, il y a un morceau où je fais « oui, yeah, yeah, yeah ». Il y a ce truc-là. Il y a un morceau avec mais, juste mais, l'ongoni. Comment t'as appris à chanter avec le... Oh, ben ça, c'est... Ça, c'est... Avec le temps, okay. On cherche des... Mais cherche dans la des... famille, est-ce qu'on chante de cette façon-là? Non. Non, OK. Non. Okay. Non. Donc, vas-y, je t'arrête oui. En plein. Non, non, ce que je voulais dire, il y a la cappella, il y a un morceau avec l'ongoni. Donc, mais sinon, globalement, c'est piano-voix, piano-percussion, piano-cora. Alors, t'as épuré pour arriver à quelque chose qui te... Ouais, quelque chose qui me plaise, tout simplement. Mais le premier album, contrairement à celui-là, qu'est-ce qui est modifié, qu'est-ce qui est changé? Eh bien, le premier album, c'était une rencontre avec un guitariste. Ouais. Donc déjà là, c'était la guitare qui était l'instrument principal avec la voix. Et c'était quelque chose de... C'était plus une rencontre du flamenco, entre guillemets, on cherchait ça, avec l'Afrique, le Wolof. Parce qu'il y a quand même des correspondances entre le flamenco et le chant des griots passionnés comme ça. Et là, c'est différent parce que c'est le piano. C'est encore une autre couleur. Donc, tu essaies sur chaque album d'utiliser un instrument et de le valoriser sur l'album. Oui, oui. Mais le prochain, ce sera un peu différent. Ah, tu es déjà sur l'autre projet? Ah, je suis déjà sur le prochain. Mais lui, il est sorti il y a combien de temps? Il y a maintenant 2014, okay. 15. 3 on ans. L'a exploité à peu près 15-16. Là, on a fait notre dernier concert le 19 mai. Où? À Frouard, Ouais. Est-ce que les spectacles se passent bien? Est-ce que les gens sont à l'écoute? Ils veulent entendre autre chose que ce qu'on diffuse à la radio? Ah ben non, déjà quand on vient voir une chanteuse africaine, qui n'est pas spécialement connue d'ailleurs, mais quand on vient voir une chanteuse africaine, c'est qu'on est prêt à entendre... On est scié, là. Voilà. On veut aller voir qu'est-ce qui se passe. On est prêt à entendre autre chose que du français. Way sorew magal ko ndax ay jombaram Imani ngo ne ngani Imal me yo ne te Imani mu finde mu fi bay ki nga nane walu ki nga nane sin Imani ngo ne ngani Imal me yo Mane amu finde amu fi bay kinga nane walu kinga nane sin Samara mone Senegal mangan Senegal sunu gal nañu manko ko fi yo mono yo ya xare umi ay wugur japugur nañu wanate Maram salvin don kilifa julin jay salbi jup nelen ammi yalla ken wera jama bañu sangalen kasak len jellenge dari elwani imani ngo ningay imal me yo Nane walu, kinga nane sin. Imani ngo ningay, imal me yo nete. Imani amu finde amu fi bay, kinga nane walu, kinga nane sin. Kufi dan jambar jikin don kilifo, ajur jum guni latir misal ngange. Amone ngone sabel sax avec djé djay Jambaru Senegal nyangé Alin sitoy Yassine bobu djigen dou man ngour yangé Yara tudilay Jabar nawlila nawlen jabar Jukur sangala jeker jeber lulila lulin jeber nulen jeber imani ngo ningan imal me yo nete imani amu finde amu King and Nani Walu, King and Nani Sin. Mankulin, Balam, we wish. Japulin, Balam, we wish. Senegal, Sumuga. Senegal, Sunga Reina, Sunyuri, Umi Senegal, Sunga Senegal, Sunga Reina, Sunyuri, Est-ce qu'on peut dire que tu arrives à faire danser les gens? Pas vraiment, parce que ma musique, elle est plus une musique qu'on contemplative. Écoute. Oui, qu'on écoute, parce que il y a des belles introductions au piano. Enfin voilà, c'est plus une musique moins dansante. Est-ce que c'est une musique plus de salle intérieure ou de salle extérieure? Les deux. On a joué à l'extérieur, à Jazz à Vienne, par Est-ce exemple. Est-ce que les gens sont tous attentifs? Oui. Oui, oui. Et tu es surprise par le coup, comme je le disais, le coup attentif des spectateurs vis-à-vis... Oui, je suis toujours touchée parce que je me dis qu'il y a quelque chose qui les fait garder avec nous. Hein, qui les... Oui, c'est une ouais. qualité d'être ouais. attentif. Ouais, ouais. Je me dis ça. Je me dis qu'il y a une raison, s'ils sont encore là, c'est qu'il y a quelque chose qui accroche. Mais c'est pour ça aussi que je me dis que l'émotion, elle n'a pas besoin de mots. C'est non. quelque chose qui est dans la vibration, qui est dans ce qu'on transmet. Le ressenti. Voilà, le ressenti. À quel moment de la création tu te dis, bon, ben là, j'ai fait un album, je l'ai placé en tournée, je le connais, je me dirige vers un autre. À quel moment? Oui, c'est quoi le déclencheur? Quel est le déclencheur qui te dit? Déjà, quand on a moins de concerts. OK, ouais, quand ça s'essouffle. Malheureusement, c'est pas que ça s'essouffle, parce que quand on fait un autre concert, un autre disque, on reprend celle d'avant. Ah oui, on reprend les chansons. Mais ouais. On va chercher un autre arrangement, etc. Mais c'est surtout que je me dis qu'il y a un moment où les gens, ils ont entendu, il faut leur proposer autre chose. Maintenant, tout va très, très vite. Oui. Les gens zappent aussi. Est-ce que c'est dommage? C'est un peu dommage, bien sûr. Parce que tu peux pas te concentrer, tu peux pas te poser. En fait, les gens sont posés, mais il y a tellement de... Non, mais toi, en allant trop rapidement, tu peux pas te poser. Moi, j'ai aucune pression au niveau du timing. Okay. Je fais un album quand je crois que les chansons sont bonnes et quand elles sont finies. Et quand j'ai les moyens de les finir et quand tout va bien. Mais sinon, je préfère les garder parce qu'il y a tellement de chansons qui sortent tout le temps que de toute façon... Est-ce que les gens avec qui tu travailles en tournée, tu leur passes ton album? Pas souvent. Est-ce qu'ils savent que tu as fait un oui, disque? Oui, oui, oui. En général, oui. Parce que... C'est un oui. petit, c'est un petit groupe quand si, même. Si. En général, oui. Mais je peux donner mon CD, mais je trouve que des fois, c'est bien de séparer les... OK, ouais. Je suis choriste, je suis chanteuse. Voilà. Tu as plusieurs arcs. Tu as plusieurs façons de t'exprimer. Ouais. Alors, tu prends autant de plaisir à chanter tes propres pièces que de chanter les chansons des autres? Quand je chante mes chansons, déjà, je chante les couplets. Je chante la totalité. Voilà, je raconte mon histoire. Ouais. Quand je chante les chœurs, par exemple, j'ai beaucoup de plaisir, mais je me dis que souvent, ce n'est pas forcément mon histoire directe. Non. Mais j'ai beaucoup de plaisir quand même. Puis surtout, le plaisir d'avoir le public qui réagit parce qu'il connaît la chanson. Oui, voilà. Ça, c'est une belle récompense. Ouais. En plus d'être rémunéré monétairement, c'est rémunéré au niveau humain. Ouais. Puis ton travail de créatrice, là, comme je te disais, le moment où tu décides, là, j'ai fait mon deuxième opus, je me dirige vers un troisième. Qu'est-ce qui déclenche ça? Tu me dis quand je fais moins de spectacles, mais est-ce qu'à l'intérieur, tu sens le besoin de dire quelque chose? En fait, oui. C'est surtout que quand on est en tournée, on a toujours des chansons qui nous viennent. Donc, on stocke des bouts de mélodies. Ouais, des bouts de mélodies. Moi, c'est plus les mélodies. Je commence par ça que les textes, d'ailleurs. Et puis après, je me dis, je vais réécouter. Et quand je réécoute dans mon téléphone ou Tu prends ton téléphone pour... Je chante dans mon téléphone plein de jeux. Je peux les numéroter et je me dis, c'est pas mal. Mais justement, ça me laisse le temps de réécouter et de me dire, ça c'est bien ou ça c'est moins bien ou ça c'est pas la peine. Parce que tu laisses reposer, donc tu oublies, tu reviens. Voilà. Ce que je croyais génial au bout du compte, ça vaut pas de la merde. Ça m'arrive tout le temps. Ah oui? Es-tu déçu? Surtout... Un petit peu, oui, parce que quand on trouve une mélodie géniale, on se dit, je la garde et je la réécoute dans un mois, deux mois. Oh, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y avait de génial? C'était pas super. Alors, ton ego prend pas, hein? Non, tant mieux. C'est bien d'avoir assez d'humilité pour... Recommencer. Voilà, pour jeter. Laisser dans la poubelle de voilà. Ça sert à rien d'avoir des mélodies qui sont moches. Oui, il y en a donc, tellement. Hein? Voilà. On n'entend pas beaucoup. Non, mais c'est même pas ça. C'est que si c'est trop moche, si ça me plaît pas moi, je vais pas pouvoir le défendre. Okay. Écoutes-tu la radio quelquefois? Hein? Écoutes-tu la radio quelquefois? Tout le temps. Okay. J'aime beaucoup la radio. Laquelle? La radio qui parle. J'aime beaucoup... France Inter, des trucs comme ça? J'écoute Africa numéro 1. Okay. Ah oui, oui. J'écoute France Inter, RTL, beaucoup, Europe 1. J'écoute toutes les radios. Mais la musique qui joue... Et la radio au Sénégal aussi, j'écoute. Et tu critiques vis-à-vis la musique radiophonique? J'écoute FIP. C'est pas mal, FIP, c'est super. Qui est jumelé à France Inter. Voilà, j'écoute TSF aussi de temps en temps. Okay. En fait, j'aime beaucoup la radio. Pour moi, c'est quand je l'ai dans ma cuisine, quand je prépare des légumes et tout ça que je dois éplucher, et ben voilà. Mais j'écoute la radio. Écoutes-tu des disques aussi? Oui, j'écoute des disques. Ouais, j'aime beaucoup Za. Je sais pas si oui, tu ben connais. Oui, oui, tu connais? Oui, ZA. Ouais, SZA. Ah non, non, non, non. Voilà, ça c'est une petite nana qui doit avoir 30 ans, peut-être 27 ans, et qui fait de la... C'est de la soul. C'est hip-hop un peu mélangé. Anglophone? Oui, anglophone. Elle est américaine. Ok. Ça. SZA. Oui. J'écoute Drake. Oui. Tu oui. connais ben oui. Drake, oui. voilà. J'écoute pas mal de trucs anglophones, quand même. J'écoute Youssoundour. Ah ben oui, ben là. Wally Seck, aussi, sénégalais. Viviane Dour. Es-tu très critique vis-à-vis de ce que tu entends? Oui. Mais en fait, quand j'écoute de la musique, c'est la musique que je choisis, je ne la subis pas. Okay. Donc c'est les musiques que j'aime, forcément. Okay. J'écoute une nana qui s'appelle Mariana Seca, tu peux regarder. Oui. Avec un seul N, Mariana, Seca, S-E-C-2-C-A. Okay. Tu vas voir des vidéos, c'est magnifique, c'est une Portugaise qui est à Berklee College, et elle fait beaucoup de vidéos. C'est du folk? Ouais, guitare-voix, mais c'est sublime, elle a une voix incroyable. Ouais, ouais, non, j'écoute beaucoup de musique. Et ton troisième album que tu prépares tranquillement, quel instrument tu sens prendre un peu de... Oh, là, pour l'instant, je fais tout au piano. OK. Et après, mais ça peut je être verrai... un autre instrument. Ouais, voilà, je pense. Mais là, tu as déjà peut-être une idée de... Ouais, mais je vais pas la dire. Ah, OK, ah, d'accord. Mais je garde mon idée, comme ça, je ferai une surprise. OK. Puis là, tu prévois quoi, 2018-2019? Oh, mais pas 19, hein. 18, à mon avis. OK. Donc, il faut que je travaille dur avant décembre. Pour, est-ce que tu vas encore autoproduire ou si tu vas présenter ça à quelqu'un? Si on me propose, je veux bien, parce que l'autoproduction, c'est aussi travail. Beaucoup d'énergie. Ouais. Ouais, beaucoup de... ouais, beaucoup d'énergie. J'aimerais bien, mais si... mais j'attendrai pas quelqu'un pour me produire, si ça ne me vient pas vite. Bah, pour moi, il faut faire les choses. Il ne faut pas attendre. Ouais, faut pas attendre. Quand c'est le moment de le faire et qu'on trouve qu'on est assez prêt pour aussi faire des concerts. Est-ce que c'est une manière sénégalaise de voir la vie, ça? Non, je pense que c'est très urbain. Ah, okay. Ah oui, oui, oui. C'est plus que ça. Écoutes-tu beaucoup de R&B? Oui, j'aime bien. J'aime bien. Il y a les classiques, hein, les Mary G. Blige. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Les incontournables, comme on dit. Ouais, ah, oui. Ouais. J'ai 10 questions, puis j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Si tu étais un liquide? Je serais de l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Oui. Parce que ouais. Là, par exemple, j'étais en Afrique. Ah oui, ben, ouais, la condition de... Bah, quand je vois l'eau, des fois, t'as des maisons où le robinet, il est à fond, mais ça coule tout doucement, tout doucement. Oui. Voilà, si j'étais un liquide, je serais l'eau. Parce que j'aime bien l'eau. Est-ce que l'eau là-bas peut être bue sans être filtrée? Moi, je la bois pas vraiment du robinet. Parce que tu peux être malade? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai toujours pris de l'eau du minéral. Ouais, je préfère. Si tu étais une ville? Je serais... Je serais Dakar. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui t'anime encore dans cette ville-là? Eh ben, c'est la ville de ma naissance. Ouais. Il y a tous les souvenirs, elle a changé énormément. Elle a beaucoup changé, elle est assez polluée avec la poussière et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travaux. Ouais. Mais c'est quand même ma ville. Ah ouais. C'est là où je suis née. Il y a encore des rues où je me promène et je me revois petite en train. Ah oui, ok, oui. Il y a des projections. Voilà, ouais. Donc, si j'étais une ville, je serais Dakar. Si tu étais une langue? Une langue? Ma langue, le Wolof. Le Wolof? Ouais. C'est une langue qui s'essouffle ou... Non, c'est une langue qui évolue beaucoup parce qu'il y a le Wolof de la rue, il y a le Wolof qu'on lit, qui est écrit. Littéraire. Ouais, ouais, on peut dire littéraire. Qui est enseigné, il y a un dictionnaire. C'est enseigné aux langues orientales ici, hein, okay. À l'Institut des langues orientales. Bah, c'est une langue qui est riche, quoi. Ouais. Et que je découvre tout le temps. Et que des fois, surprise. Oui, surprise, parce que dès qu'on bouge, il y a des dialectes, il y a des expressions qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre. On se dit, c'est pas vrai, je ne connaissais pas cette expression-là. En français, comment ça peut se représenter, une expression traduite? Là, j'ai pas en tête quelque chose. Et en plus, ça se traduit très mal. Ok, ça se traduit pas mal. Mais c'est surtout que, en fait, la rue, elle est très inventive. Elle a des expressions. Voilà, je me dis. Fuck with the law. taxawdi xaar fi ku nekke ñaan si kedu dëkk bi yen salam alle salam aleikum yen salam aleikum salam aleikum yen salam alle ñu yonale yen salam aleikum ndaw si fu ci gennu tut wonan moy su liggey gawal tontu won mo sey ba taxali Rumble bit of sentu bagamento ana sama wala chinjure tai ci seni wax ju nyaawji barambi may meye ni nangu tai ci sentu menami ana sama wala chinjure Hana li du lolu de Hana li de men ya lolu la Get away de yo be my tek tinyan banya yara dal get away de yo be mali e tek tinyan banya yara dal kai ngi churi sani de nyoju kai len set sima man mi wut tai ti sentu mena mi ana sama wala jure khana li dulol de reina li de minha lolula Yo me fornia fé Moi, je reviens, il y a des mots que je ne connaissais pas. C'est une langue très vivante. Oui, très vivante. Si tu étais une époque. L'indépendance. Indépendance. Ouais. Pour un pays, pour 1960. Ok. Pour un pays déjà. Parce que je pense que c'était le début de quelque chose où les gens pouvaient rêver à une autre vie au lieu d'être sous les colons, tout ça, quoi. Est-ce qu'ils sont heureux de leur choix ou déçus selon toi? Je crois que quand même ça n'a pas beaucoup évolué. Non, ouais. Un petit peu, mais. C'est long, hein? Ouais, c'est très long. C'est très long parce que les gens qui ont du pouvoir, ils oublient. Ils oublient pas, mais ils gardent. Ils oublient leur peuple. Ils gardent la mainmise, ben oui. Voilà. Ils manipulent. Ils récupèrent les aides. C'est classique, c'est classique. C'est ça qui est merdique. Si tu étais un mot. Amour. Tout simplement. C'est une valeur refuge. Une valeur sûre. C'est pas un rêve, c'est une réalité qu'il faut cultiver tous les jours. Oui. Si tu étais un aliment. Un aliment? Es-tu gourmande? Je suis gourmande. Ah oui? Est-ce que tu fais bien à manger? Oui. Ok. Ouais, je cuisine. Ok. Si j'étais un aliment, j'allais dire du riz. Ça se mange soit en accompagnement ou tout seul aussi. Ouais, voilà. Puis c'est ça aussi, peut aider les enfants. C'est notre alimentation principale. Oui, oui. Tu veux dire chez toi? En Afrique, oui. Ouais, on mange beaucoup de riz, même tous les jours. Parce que ça coûte beaucoup moins cher. Hein? Oui, et puis on a plein de plats qui sont juste avec du riz. Oui, oui. Si tu étais une saison? Une saison? Oh là là. Moi, j'allais dire l'hiver. Oui. Pour casser un peu avec l'été chez vous? Oui, c'est ça, parce que c'est une saison, la saison de l'étranger, on va dire. Et c'est une saison où, bizarrement, on arrive à se concentrer sur la composition, le travail. Bah oui, parce que t'es pas dehors, il fait tellement froid. Voilà, j'allume des petites bougies en hiver, même dans la journée, dès que je me réveille. Pour t'inspirer. Ma tisane, même pas pour m'inspirer, mais juste pour être dans une atmosphère. Ok. Et après, je peux travailler piano. Et tu passais en hiver au Québec? Oui. Et puis? Il faisait très froid. Ouais. Et puis toi, comment tu te sentais là-dedans? Bah, j'ai bien aimé. Ah oui? Oui, j'ai bien aimé. T'es une fille de froid sans sans savoir. Non, mais c'est que l'hiver au Québec, c'est beau. Des fois, la neige, c'est beau. Il y a un air qui est très sec. Ah oui, les narines chez nous collent. Je vous prie de m'excuser. Bonjour. Deux petites secondes. Bonjour. Oui. J'ai un petit message que je voulais vous transmettre parce que j'attends une réponse de ce petit message. Vous voulez que je le lise pour vous? Non. Est-ce que vous pouvez le lire? Parce qu'en fait, je me demande, sans vouloir importuner ce monsieur dans son interview, je me demande si c'est vous qui aviez été à la messe en 2003 à Villerville. Pour l'enterrement de Jean-Yves Dubois, qui faisait partie de la Société française, de la Comédie française, et vous aviez chanté à son enterrement, c'est pas vous? C'est possible, j'ai chanté à des enterrements, mais je m'en souviens pas de 2003. Vous n'êtes pas une amie de Jean-Pierre Guillard? Non. Ah, alors c'est pas vous. Donc non, c'est ça que vous avez écrit parce que, c'était ouais, pour moi. Ouais. C'est complètement incroyable, j'ai l'impression de reconnaître votre voix quand vous avez chanté tout à l'heure. Et en fait, mon frère était à la Comédie française. Et comme on a vécu en Afrique, au Sénégal pendant toute notre enfance, à son décès, tous ses amis comédiens... Votre frère s'appelait Jean-Pierre? Jean-Yves Dubois. Jean-Yves Dubois. Et Jean-Pierre Guillard était un ami qui avait fait venir... cette jeune femme pour chanter à la messe et c'était extraordinaire pour moi, c'était un moment et quand je vous ai entendu tout à l'heure, non, c'est pas moi, j'ai des frissons partout et voilà c'est tout ça. 2003 ça fait longtemps, ouais. Mais la voix, je sais pas, la voix de tout ça, la voix de l'Afrique et tout ça. En tout cas, votre frère est encore avec vous dans votre cœur. C'est sûr. C'est évident. Ouais, c'est évident. Bonne interview. Ben oui. Ouais. Je vous serrez la main. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Et puis plein de belles choses. Ouais, vous aussi. Merci. Est-ce que c'est des choses qui t'arrivent souvent? Oui. Là, même tout à l'heure, là, j'étais à Pigalle. Quelqu'un m'a demandé, m'a dit, je te reconnais. On a parlé. Puis, est-ce que c'était vraiment toi? Oui. Okay. Elle travaille dans un restaurant africain. Et, elle t'a vu sur scène ou? Elle ne savait plus, mais elle m'avait vu dans un restaurant, ça c'est sûr. Pourquoi t'as attiré autant de sympathie? Ben, je sais pas. Là, je suis étonnée, mais je pense qu'elle est encore sous le choc. Elle était très vibratoire. Elle est encore sous le choc. Ouais. Et je respecte beaucoup ça. Ouais. Je respecte beaucoup les gens qui... Parce que ça a dû être un moment important pour elle. Et, elle m'a vue dans la personne qu'elle a cru connaître. Ouais. C'est beau, hein? 2003. C'est bien parce que je vais le garder. Ça d'accord. Vaut oui, ça vaut si bien. Tu étais une saison, on l'a dit, si tu étais un membre... L'hiver. Oui, un membre corporel. Ah! Les oreilles. Pour bien entendre. Ah oui. Pour apprécier ce qu'on a entendu tout à l'heure, même oui, si c'est pas toi. Oui, puis pour discerner ce qui se passe autour. Puis surtout une musicienne doit bien capter. Ouais, quand même. On appelle ça l'oreille universelle. T'as-tu l'oreille universelle? L'oreille absolue, tu veux dire? Eh bien, un petit peu. Mais j'ai des périodes où l'oreille est très développée parce que je suis en train de beaucoup travailler sur le piano, donc j'entends tout. Et j'ai des périodes où c'est un peu plus cool. Voilà, j'entends. L'oreille est en vacances? Ouais, un peu. Ça m'arrive. Mais souvent, l'oreille, elle est reliée au cerveau. Ouais, ben oui. Et l'oreille, voilà, est comme le nez. À la mémoire, au cerveau. Le nez aussi, à la mémoire. Ouais. La senteur d'une ville, la senteur d'un mail. Oui, c'est vrai. Si tu étais, je l'avais loupé, si tu étais un moment de la journée? Je serais le matin. Ouais, parce que c'est le moment où j'ai le plus le temps. Moi, j'ai pas de patron. Donc le matin, j'ai le temps de lire, j'ai le temps de prier, j'ai le temps de prendre un petit déjeuner, de remercier le ciel pour la vie. Le matin, pour moi, c'est un moment pour moi. Après, toute la journée, c'est speed. Le soir, c'est speed. Je me couche des fois à 2h, 3h du matin. Et tu te lèves très tôt? Non, justement. Okay. Je me lève tard. Donc, t'es une couche tard? Sauf si j'ai un avion ou un train. Quoi. Est-ce que tu voyages beaucoup? Oui. Trop? Non, c'est jamais trop. J'aime bien l'avion, j'adore le train. Alors, ton appartement est souvent vide? Il est souvent vide. Ouais. Et si tu étais un autre individu? Il est souvent vide, mais il y a la famille qui est à la maison. OK, ah oui, OK. Donc, il est vide quand je suis pas là, mais en il même temps, il est vide de toi, mais il n'est pas vide des autres. Voilà. Si tu étais un autre individu? Je serais... je serais Mère Teresa. Oh! Voilà. J'ai des petites photos d'elle chez moi. Ah oui? Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a été... importante pour la... Qui a été proche de l'humanité, qui était un très bel humain. Et pour moi, c'est un exemple. Là, par exemple, comme je t'ai dit, le mercredi, je me coupe d'un vestiaire pour les gens de la rue, mes amis de la rue. Et chaque jour, je mesure la chance que j'ai d'avoir un toit. Parce que je vois beaucoup de gens qui dorment dans la rue, ouais, ou dans des parkings, ou dans des centres commerciaux, dans des escaliers, parce que c'est dur. Et Mère Teresa, elle a su accompagner les, ces gens-là. Ouais, voilà, ces gens-là. Dans la dignité, entre guillemets. Voilà, et puis elle a jamais été méprisante. Ouais. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Du jour au lendemain. Voilà. Tu peux être aujourd'hui dans un palace, être en tournée avec des grands acteurs, des grands chanteurs, des grands musiciens, dans des hautes sphères. Et puis un autre jour, tu te retrouves juste avec ton sac à dos et tu n'as plus de maison. Donc je pense que ça, c'est l'école de l'humilité aussi. Et donc, c'est dur pour beaucoup de gens. Et pour toi, tu es très lucide. Je suis trop lucide. Et tellement lucide que chaque minute aujourd'hui, que je peux, le temps qu'on passe ensemble, je chéris ce moment-là. Je suis avec ma famille, je chéris d'être avec eux. Et chaque minute, je me dis, souviens-toi, c'est un bon moment. Souviens-toi, c'est un super moment. Parce qu'on ne sait pas, et parce que je vois le mercredi particulièrement, dans la semaine, je vais servir des repas pour les gens. À tous les mercredis ? Tous les mercredis matin, c'est le vestiaire. Mais là, pendant l'été, il n'y a pas beaucoup de gens, donc je vais faire le service pour la nourriture le soir à 17h et 18h. Et il y a des gens, C'est dans quel arrondissement? C'est à Belleville, dans le 19e. Tu restes dans ce coin-là? Ouais, j'habite par là-bas, moi. Je suis venue exprès ici. Ah, c'est pas mon quartier. C'est gentil. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai accepté? Oh. Bon, j'ai accepté. Ben, c'est bien. Voilà. Ok, tu voulais refuser à un moment non, donné? Non, même pas, mais c'est du temps. Ouais, c'est loin, c'est vrai. C'est du temps, c'est loin. C'est vrai. Mais ça va, c'est en métro, c'était direct. Oui. Belleville, Pilgal. Tu prends la ligne 12? La 2. Voilà, la 2, ben, oui. Puis je change après. Tu prends Blanche, puis... Ouais, Pilgal, c'est direct. Et si tu... À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Oui. Je ferais même les mêmes erreurs. Parce que c'est ces erreurs-là qui t'ont fait grandir. C'est ça qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Et que j'arrive à apprécier la vie, j'arrive à apprécier les personnes, j'arrive à relativiser. Je me dis, bon, ben voilà. Est-ce que tu te considères comme une fille zen? Zen, je sais pas, mais j'apprends vraiment à pas... C'est pas une histoire... Donc, il y en a un. À me dire qu'il y a toujours une fin au problème. et qu'il y a, il y a un bout, le tunnel, après le tunnel, il y a un peu de lumière et ça va, ça le va soleil aller. Est au bout du tunnel. Voilà. Faut pas désespérer. Voilà. Et ton actualité, elle doit être touffue, elle doit... Bah là, l'actualité, c'est qu'il faut que j'aille en studio et que j'enregistre des nouvelles chansons. Ça, c'est en septembre. Même avant, je vais profiter de faire ça en juillet, en août plutôt. Je vais essayer d'avancer. Mais as-tu un studio maison? Hein? As-tu un studio maison? Oui. Ok. J'ai un studio, je loue des micros et je peux tout faire chez moi. Tu loues des micros? Oui, parce t'as pas tes propres micros? J'ai un micro, mais pour l'album, il y a des micros qui sont... Un Shure? Non, mieux que ça. Ah ouais. Ah. Neumann. Ah oh oui, oh oui, mais là, plus onéreux. Oui, mais justement, je le loue parce que je l'ai pas chez moi, ça. Okay. J'ai un Shure chez moi. Oui, SM58 comme les potes. Oh, ça, c'est plus pour les concerts. Oui. Mais pour le studio, c'est Sennheiser. OK. Ah oui, oui, ouais. Marc Allemand. Oui. Excellent. Ça, c'est excellent. Et puis, as-tu des projets de tournée? Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont approché? Ouais, j'ai quelques trucs pour septembre. Mais voilà. Refuses-tu? Hein? Est-ce que tu refuses? Non, j'ai accepté. Non, mais lorsque tu... Est-ce que ça m'arrive de refuser? Oui. Ça m'arrive quand je pense que c'est pas ma place. Ça arrive que tu te sens pas... Oui, ça m'arrive que je sens que si je suis là, si c'est pour prendre de l'argent, c'est pas la peine. Oh. Parce que de toute façon, j'aurai toujours de l'argent par quelqu'un d'autre ou par un autre projet. Il faut que je sente que c'est quelque chose qui me représente, okay. Que je peux défendre, même si c'est pas ma musique, que je suis fière de dire je travaille avec un tel. Tu dois être intègre. Voilà. Et te sentir à l'aise. Je peux pas faire autrement. Ouais. Il faut que ce soit des gens humanistes. Oui, humanistes. Il faut que la musique aussi soit une musique que j'aime. Des chansons que j'aime, sinon je pourrais pas. Sinon, c'est de la prostitution. Ah oui, oui, oui. Pour oui, moi, c'est... Oui, oui, effectivement. Je ne suis pas là pour prendre de l'argent. Non, non, non, non. Je suis non, là non. aussi pour amener quelque chose, soit mon expérience, soit... Du grain au moulin. Voilà, du grain au moulin, ou en tout cas, le plaisir de participer. Si je n'ai pas de plaisir, je reste chez moi. Je préfère aller faire mes petites courses et rester chez moi. Et tous tes textes, est-ce qu'ils sont déjà écrits du troisième album ou si tu peux au film oh, encore? Il n'y a rien de fait. J'ai trois textes qui sont écrits. Même pas deux qui sont écrits. Mais t'es-tu traqueuse pour la suite? Non, si parce que j'ai confiance ah, dans ouais. la vie. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance que les choses vont m'arriver. Quand j'aurai besoin... La page blanche n'est jamais longtemps blanche. Bah, il faut que je me mette dans un parc, que j'écoute les tracks, les instrus, et que je vois ce que j'ai envie de dire, comment j'ai envie de le dire. Donc, c'est la musique qui amène les mots? Pour moi, oui. C'est toujours la musique. Et quand c'est les mots que tu écris, est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou si tu as des idées et tu... Non, les idées, je les ai toujours. Et les mots viennent après. Et sur le troisième album, qu'est-ce que tu veux mettre de l'avant? Je suis obligé de te saluer. Ah oh oui, malheureusement. J'entends l'accent oui, depuis tantôt. En tout cas, tu as un accent trop fort. Tu viens de Québec, Québec, toi? Non, je viens de Montréal. OK, c'est pas grave. Okay. Ah non, mais chacun, c'est ça. Salut. Donc, qu'est-ce que tu veux dire dans le troisième album? Ben, pour l'instant, je pense que ce sera la suite, encore des histoires d'amour, pas forcément les miennes, encore des histoires de la société qui m'entoure. Pour l'instant, je suis en gestation. Et t'es pas empressée de finaliser tout ça? Tu oh, il faut que je me presse quand même. Hein. Parce que comme j'ai fait cet album-là, il y a une forme d'actualité, il y a une forme d'intérêt. L'attaché presse, par exemple, il a travaillé. Pour cet album, il a beaucoup travaillé. Mais il a travaillé pour quoi? Bah, pour les contacts, pour faire des émissions. Ah, oui, on a fait plein d'émissions de radio. On a fait FIP, France Inter, on a fait plein de choses. Et ben, je trouve que ce travail-là, pour qu'il soit bénéfique, il faut continuer dans pas longtemps à refaire quelque chose. Alimenter. Voilà, parce que les gens, ils connaissent un petit peu, ils ont entendu. Sinon, ils vont oublier. Bah, c'est pas qu'ils vont oublier, mais il faut remettre une couche. Ouais, quoi. C'est ça. Ouais, il faut remettre une couche assez. Et toi, tu travailles toujours à surenchérir, à rajouter pour... En tout cas, à continuer mon chemin. As-tu des vieux textes que tu veux présenter à un moment donné sur... Non. Non, j'ai pas de vieux. Du vieux, t'en gardes J'ai pas de vieux textes. J'ai okay. peut-être des vieilles mélodies. Ah oui? Non, mais des mélodies que j'avais pas enregistrées pour l'album d'avant, que je trouve jolies et que je vais peut-être retravailler un peu au piano, tout ça. Et lorsque tu quittes le micro pour, ou le studio pour aller sur scène, est-ce que les chansons ont vécu? Est-ce que tu les fais sur scène avant de les faire en studio? En fait, l'idéal, c'est de faire de la scène. Avec tes chansons? Avant d'aller en studio. Mais ce que je fais, moi, c'est que je vais dans un studio de répétition et je répète. Je fais comme si j'étais en concert. Je fais un filage, en fait, okay. de toutes les chansons, les anciennes, les nouvelles. Et ça m'apprend à les explorer et à développer un peu, chercher encore plus des mélodies un peu plus intenses, des improvisations un peu plus ouvertes. Ok. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de faire plein de concerts et d'aller en studio après. Mais sur scène, as-tu le plaisir d'improviser ou si tu veux pas toucher à... Si, j'improvise toujours. Sur scène, oui. C'est-à-dire que je vais chanter la mélodie et après, on a toujours une plage, comme les jazzman. Ok, où tu peux partir. Où je peux partir. Et là, je cherche justement la manière d'accrocher la mélodie. Est-ce que je prends comme ci, comme ça, comme ça? Voilà. Quand tu quittes pour l'improvisation, est-ce que tu considères que tu es en transe? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et ah oui. Aimes-tu, lorsque tu atteins cette transe-là, se détacher de soi pour la musique? Est-ce que tu trouves ça intéressant? Je pense qu'il faut quand même toujours rester dans la musique. Sinon, des fois, on peut partir trop en live et ça peut être moins bien musicalement. Il faut quand même avoir une certaine maîtrise. Ouais, il faut centrer quand même. Même en improvisant, même en allant machin, un peu dans tous les sens, mais il faut quand même que ça reste musical. Parce que sinon, c'est un peu, on se fait plaisir nous, mais les gens ne peuvent pas continuer. Ah ouais, les gens sont là. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Okay. Ouais, c'est, ça. C'est quoi cette mélodie? Elle est où? Il faut quand même faire attention. On ne chante pas pour soi-même. Non, non. Pour le public. Mais tu essaies de te dépasser quand tu fais des solos d'improvisation. J'essaie de prendre des risques. Est-ce qu'il y a des chansons... avec de la broue? Oui, c'est vrai. OK. Je peux couper, il n'y a pas de problème. I will lend you power, none, but you love me, you know. Terangari, bangwan, you maron, mananan. Sono yangi sokunyul, nu sono lototunyu. Guri alayi bati war, takusan yu dem tahan. Hey wulen yu paunan, guri alame yu ndok. Terangari bawan, yu maron menenan. Sono yangi sokunyul, nu sono lototunyu. Guri alayi bati war, takusan yu dem tahan. Manunanan, manunanan, manunanan. Domange melangan, manunanan, manunanan. Saltinga na ci rew mi tata nañ fa ngir sakunya Kile farine yi ci rew mi si ya nañ len ngir sakunya Kang fare yi ci rew mi sen xam xam match ci renou rew mi when you way I want len you paw nan bur yalla me ñu no terangari ba wan ñu maron manana sona yangi soxñu sono la tutu bur yalla yi ba ci wa ta ko sanu dem da kha moy ke ba dina koy daw ko wara di bul ka daw be mu xam ko tax mu ne yok lu ko metti ne way ker ba dina ndox ma ngi walanga Lorsque tu joues sur scène, tu sens que le public que tu vois, ou que, en tout cas qui viennent te voir, c'est des gens qui t'ont suivi? Ah oui, il y en a qui sont venus des fois à d'autres concerts, ou alors sur le premier disque qui connaissaient déjà, si c'est. Donc ça te fait plaisir de revoir? Ça me fait plaisir, oui, parce que quelque part, c'est comme si on a une famille. Ah oui? et qu'ils reviennent à la maison. Est-ce que ça te surprend de voir autant de personnes qui s'intéressent à ce que tu fais? Ça me surprend toujours. Parce que surtout aujourd'hui, maintenant, il y a tellement de gens qui font tellement de choses et tellement de propositions de concerts par soir. Tu dis, mais pourquoi moi? Pourquoi ils ont choisi de venir? Donc, c'est pour ça que je respecte beaucoup ça. C'est un petit boulot parce qu'il y a des gens qui se déplacent. Oui. Il y a des gens qui vont faire garder des enfants. Oui, voilà. Qui vont rentrer en taxi la soirée est passée. Ouais. Il y a des gens qui ont fait des fois des kilomètres pour venir nous voir et je me dis bon. Il y a quelque chose. Ouais. Non mais c'est surtout que ça s'honore. On doit les honorer, ouais. Les gens. Et c'est de là le respect. Ouais, de donner le respect, de donner le maximum, de donner de soi. Est-ce qu'il y a des soirs où t'as pas. Ah non, ça m'est jamais arrivé. Ah, t'as toujours la flamme. Ah ouais. Ou tu vois puiser la flamme à quelque part, il y a quelque chose. En tout cas, oui, parce que pour moi, c'est pas ordinaire d'être sur scène. Non, ok. C'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau aussi pour celui qui est sur scène. Pas seulement pour ceux qui écoutent, mais c'est un cadeau pour celui qui est sur scène de la chance qu'on a. Pourquoi toi, tu vas te mettre sur une scène et les autres, ils vont t'écouter. Pourquoi? Alors, tu te rends compte que c'est encore aujourd'hui un privilège. Bah, c'est un privilège. Et j'espère que jamais dans ma tête, je trouverai ça normal, quoi. Ben, Julia, pour moi, c'est un privilège de te rencontrer. Merci de m'avoir... Comment tu m'as connue? Via Internet. J'ai entendu des pièces sur YouTube. Il y a une amie qui s'appelle Julia Pacombe qui, elle, place beaucoup de musique. Ouais. Et donc, la musique du monde ou musique... Oui. Et c'est là que je me suis intéressé. 3 mois avant de partir, j'ai dit ouais. Là, je suis allé voir. Ouais. Et sur Gaga, j'ai réécouté d'autres choses, des standards de jazz que tu t'es mis à jouer. Puis sur Facebook, ben là, j'ai vérifié. J'étais vraiment pas certain que c'était toi. J'ai envoyé une bouteille à la mer, la bouteille est revenue. Et ah oui, moi je réponds toujours. Ouais. Je trouve que c'est. Bon, des fois, j'ai pas le temps de répondre tout de suite, mais je mets toujours de côté en me disant attention, il faut répondre. La personne, elle a pris le temps d'écrire. Toi, tu dois prendre le temps de répondre. Et donc voilà, c'est comme ça. Et ce que je vais faire, je vais t'envoyer l'enregistrement sans montage. Avec plaisir. Tu en fais ce que tu veux. Oui. Et je vais te l'envoyer aussi dans le cadre de mon émission. D'accord. Et tu verras qu'est-ce que c'est devenu. D'accord. Et avant de partir, je vais prendre des photos puisque lorsque... Alors j'ai vu que tu prenais des photos. Moi, ouais. Je suis trop moche aujourd'hui. Oh. Je me trouve, mais d'une laideur. Oh. Trop tu veux laide. Que je prenne des photos? Une. Pour la route. Alors je vais choisir après. Ok, garde. Oui, je vais en prendre. Tu fais et j'efface celles que j'aime pas. Oui, mais tu m'en laisses au moins 3-4. Bah, on en fait 6 alors. Oui, ok. Ben, je l'ai fait hier avec quelqu'un, je fais très sympa. J'ai vu ça sur ton Facebook hier. Oui, mais tu peux enlever. Je me suis dit, oulala, il fait des photos. Tu vois, je ne suis même pas maquillée. Non, mais c'est pas grave. Mais ça. Je peux choisir. Oui, tu choisis. Je vais en faire plusieurs et tu choisiras. Avec là, toi, c'est ça? Non, mais c'est ton sac à faire. Oui, c'est mon sac. Okay. Oh là là, j'avais pas dit. Oui, avec moi. D'accord. Donc, garde, c'est pas mieux. On y va. Quoi, ça te gêne de prendre des photos? Non, mais... On va en prendre quelques-unes puis on va choisir. Tu vas choisir, c'est pas moi qui choisis. Fait que là, tu me regardes pas la bouille. Fais voir. Ah ouais, ok, attends, la dernière. Mais, yes. Là, tu prends pas. Laisse faire ma bouille, là, puis regarde la tienne. D'accord. Moi, c'est ma bouille. Vas-y, continue. Celle-là, elle est jolie. Celle-là, tu peux effacer. Okay. Direct. Là, c'est vrai, je l'enlève. Je préfère éditer. Regarde, 1, 2. Elle est plus là. D'accord. Vas-y, celle-là, tu peux effacer. C'est pas celle-là qui est jolie. C'était une autre. OK. Ça va. Continue. Non. Je sais pas. Fais voir. On la laisse. D'accord. Ben là, c'est quelqu'un d'autre. Ah, ben voilà. Là-dessus, bon, il y a ça ici. On regarde encore. Il y a ça. Ouais, ça va. Ça. Je préfère celle-là. OK. Mais je garde tout ça, OK? Fais voir. Non, pas celle-là. Ouh là là. Pas celle-là. Pas celle-là. Ah non, si, ça va. Hey! Vas-y, remonte-moi le début. Alors, attends un peu, il y a ça. Bof, ouais. Ah. Ouais, bof. Non, pas ça. Bon, ça, c'est pas toi. Après ça. Alors, ça ici. OK? Mais t'as zoomé tantôt. Zoom. On dirait que les yeux sont. Ah, zoom un peu. Zoom un peu. Je t'embête, hein. Non, mais tu sais, moi, justement, je me suis dit, oulala, si, j'espère qu'il ne veut pas faire des photos. Hein. Zoomé, t'aimes bien faire des photos? Ben oui. C'est rare que je zoome avec ça. Bon, c'est pas grave, sinon. Tu peux zoomer avec ça. Là, ça, oui. Non, je peux pas. Non, je peux pas zoomer avec ça. Parce que j'ai l'impression que l'œil, il est. De toute façon, tu le verras. Ouais. L'œil, il est quoi? Il est fermé. Ah, attends. Moi, c'est pas grave si t'arrives pas. Ah oui, si. Ah voilà, ok. Mais non, regarde. Je vois pas. Voilà, regarde. C'est beau ça? Ouais, descends. Descends-le. Descends un peu la bouche. Ouais, pour voir. J'ai l'impression que. Pas pire ça? Non, ça va, ça va. Bon, super. Ça bon, va. Ok. Ça va, alors, ça on regarde tout le reste, hein? Voilà. Mais tu te remontes? Fais-moi, remontre. Elle est chiante, hein? Non, non, non. Elle est chiante, Julia. Non. Ok, on y va. Yes. Ça, c'est celle qu'on a. Très bien, très bien. Très bien. Très bien. Non, pas la dernière. Elle est un peu bizarre. Triste. Attends un peu. Pas la dernière. Voilà, celle-là, tu peux effacer. Bon, là, ça, il m'en reste combien, là? 1, 2, 3. Je garde les trois. C'est bon? Voilà. Pas la dernière. Non, mais ça, c'est pas la dernière, là. 1, 2, 3. Ouais. Ben oui, mais ça c'est la première, tu m'as dit oui. D'accord, ok. Ok, c'est moi qui paye. Quoi? Non, ça me fait plaisir, non, ça me fait plaisir. Ah, mais là... Tu vas pas payer pour tout le monde. Oh oui, ça me fait plaisir, mais ça me fait plaisir. Non, mais écoute, non. Je vais demander l'addition. Ah, en tout cas, t'es difficile. Je suis difficile oui. Pour les photos. Oui, pour les photos, oui. Parce que souvent, je déteste les photos qui sont mal faites. Ok. Ou alors... Non, mais je refais le cadrage, ça on a une sale tête. Ok. Surtout moi. Oh, voyons. Monsieur, je vais prendre l'addition. Tu es dur vis-à-vis de toi-même. S'il vous plaît. Tu es très dur vis-à-vis de toi-même. Je suis dure, mais non, j'ai c'est raison. Moi qui vais payer, ça me fait plaisir. Non, bah, on va voir. Il va me la donner. T'as pas invité tout le monde, j'espère. L'angolva con ella, signori landami. Oluma va chiegella, ti dico sa farà. Param suf mi sa caduna. Moyo ni malakamu otula. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.